La plus belle femme du monde, par Pitre Chevalier. Puisque vous parlez d'idées fixes, dit le colonel X, voici une histoire de monomanie dans laquelle j'ai joué bien involontairement un rôle fatal. Il y a 3 ans de cela, je passais l'automne à Naples, et j'habitais un hôtel de Chiaja, rempli de voyageurs de tous les pays. Comme la plupart des bonnes maisons de Naples, cet hôtel avait un magnifique jardin, dont les terrasses regardaient le Vésuve et la mer. Tous les commensaux s'y réunissaient habituellement après le coucher du soleil pour causer entre eux ou se promener jusqu'à minuit en savourant les meilleurs sorbets du monde sous des berceaux d'orangers et de lauriers roses. Un soir, je me trouvais au commun rendez-vous avec un groupe d'Anglais et d'Allemands. Nous étions au fond du jardin, sur la terrasse la plus écartée. À notre droite, le golfe de Naples balançait silencieusement une centaine de navires à l'ancre. À notre gauche, le Vésuve élevait dans le ciel une colonne de fumée blanche tachetée de flammes éclatantes. Quoiqu'un tel spectacle n'eût rien qui poussât précisément à la galanterie, la conversation roulait par hasard sur les femmes, et chacun de nous, rappelant ses impressions de voyage, citait les points du globe où il avait trouvé les types de beauté les plus parfaits. Parmi les étrangers qui prenaient le plus de part à l'entretien, sinon par les paroles, du moins par l'attention, je remarquai un jeune homme d'environ 32 ans, portant la plus admirable figure que j'eusse rencontrée de ma vie. Imaginez en effet la beauté mâle et brune dans tout son développement, tempérée par une douceur de physionomie et une finesse de traits impossible à rendre. « Pardieu, me dis-je, en examinant le bel attentif, si nous avons le droit de parler des femmes en connaisseurs, voici un personnage qui pourrait les traiter en sultan. » La comparaison était d'autant plus juste que l'inconnu relevait les grâces de sa personne par un luxe oriental et que je voyais à l'index de sa main gauche un diamant digne d'orner le doigt d'un pape ou d'un empereur. La discussion s'échauffa bientôt, comme il arrive toujours aux voyageurs qui remuent leurs souvenirs, et plusieurs parties se formèrent dans notre groupe, dont les Espagnols, les Italiennes et les Françaises se partagèrent l'admiration et les voix. Chacun, à l'appui de son opinion, traçait les plus séduisants portraits du monde, celui-ci d'une Andalouse au teint doré, celui-là d'une Romaine au trait antique, cet autre d'une Parisienne au charme indéfinissable. Le beau jeune homme écoutait tout cela d'une oreille avide, saisissant surtout les particularités qui pouvaient désigner individuellement quelques femmes hors de ligne. Tout à coup, une indication plus précise, donnée par un Allemand sur une dame de Cadix, lui vit tirer de sa poche un agenda d'écailles incrusté d'or et prendre à la dérobée quelques notes en feignant d'esquisser un point de paysage. Cette singulière action m'intrigua plus que je ne saurais dire, et j'allais me placer près de l'inconnu pour ne pas le quitter les yeux. Je dois déclarer d'ailleurs que tout en lui devenait de plus en plus mystérieux et frappant, et l'émotion croissante avec laquelle il suivait une conversation assez indifférente aux autres, et les regards étincelants qui lui échappaient, à certaines peintures senties de la vraie beauté, et les sourires d'ironie froide et hautaine dont il accueillait les hérésies du mauvais goût. On eût dit un artiste éminent et modeste, laissant parler les amateurs novices et recueillant l'avis des véritables connaisseurs. Je me demandais même plus d'une fois si ce n'était point en effet quelque peintre ou sculpteur dans le grand style. Mais la moindre observation de son costume et de ses manières déroutait aussitôt cette supposition. Enfin, je le mis par moi-même à l'épreuve en prenant à mon tour la parole. « Messieurs, dis-je au discoureur, je vous demande pardon d'avoir une opinion nouvelle. Je ne suis pas de ceux qui, comme le berger Paris devant les 3 déesses de l'Olympe, n'admettent au concours de la beauté que les Espagnoles, les Italiennes et les Françaises. Je sais que l'altière Junon trouverait des rivales parmi les superbes Andalouses, que certaines filles de Rome le disputeraient à Pallas en noble bravoure, et que plus d'une Parisienne enlèverait la pomme comme Vénus en laissant tomber sa ceinture. Mais depuis que les deux sexes, à l'envi, ont abusé de la permission d'être laids, la beauté n'appartient généralement à aucun pays. Elle est de tous les pays comme exception. Hier, sa plus parfaite incarnation était en Amérique. Aujourd'hui, elle est en Europe. Demain, elle sera dans l'Inde. Affaire d'aventure et de hasard, messieurs, concours changeant soir et matin, dont le soleil, qui voit tout à la fois, pourrait seul être juge. Quant à moi, qui visitais autant de lieux divers que cela est permis à l'homme, s'il m'est jamais apparu une femme dont j'ai pu dire « Voici la plus belle femme du monde », je vous avoue que ce n'est ni en Espagne, ni en Italie, ni en France. Où est-ce donc ? Demandèrent 10 de voix, parmi lesquelles j'en distinguais une plus pressante que les autres et plus rapprochée de mon oreille. Je détournai vivement la tête et trouvai les beaux yeux de l'inconnu fixés sur les miens. ils exprimaient une telle impatience et avaient une telle ardeur que je ne pus en soutenir le rayon pénétrant. « Où avez-vous vu cette femme, monsieur ? » répéta-t-il en cherchant ma réponse dans mon regard. « En Grèce, dis-je, dans la campagne d'Athènes. »« Dans la campagne d'Athènes, » murmura lentement l'étranger, comme un enfant qui articule une phrase pour mieux la graver dans sa mémoire. « Au fait, cela n'a rien d'étonnant, » fit observer un interlocuteur. « La Grèce a été pendant des siècles la terre classique de la beauté, et le colonel n'est pas le premier, à qui j'entends dire que les paysannes d'Athènes sont encore très jolies. » « Je ne parle point d'une paysanne, » repris-je, et l'épithète de jolie qualifierait mal la femme que j'ai vue. Il s'agit d'une personne dont je ne saurais dire au juste le rang, mais qui doit appartenir à une classe aussi élevée que la nature de sa beauté est supérieure. Au reste, ajoutai-je, voyant la curiosité de mes auditeurs piquée au vif, et curieux moi-même de suivre l'effet de mes confidences sur la physionomie de l'inconnu, voici, messieurs, dans quelles circonstances j'ai rencontré la femme dont je vous parle. C'est une petite aventure romanesque à laquelle j'eusse attaché beaucoup d'importance à 20 ans, mais que mon âge me permet de vous raconter sans indiscrétion et en vous priant de la prendre telle que je vous la donne. » Pour toute réponse, mes commensaux resserrèrent le cercle autour de moi, et le beau jeune homme eut soin de se placer de telle sorte que personne ne put lui dérober le moindre de mes gestes. Je mesurai mon attention sur la sienne et je fis en peu de mots le récit suivant. J'étais, il y a 18 mois, devant Athènes, sur une frégate de l'État. Je profitais un matin d'un temps calme et pur pour faire seul, à pied, une excursion dans les terres. Je traversais la ville et la plaine qui l'entoure. Je tournais les pans du mont Pessil et dirigeais mes pas vers la voie sacrée. Arrivé à cette partie de la route qui s'appelle la Mystique, je m'arrêtais pour visiter les ruines du temple de Vénus. Ce moment qui s'écroule tous les jours offrait encore des restes imposants et formait le centre d'un magnifique paysage dont je résolus d'étudier les détails. Après avoir erré quelque temps parmi les débris de la pierre et du marbre, je m'assis à l'ombre d'un pan de mur, à 2 pas du lit d'un torrent, et je me mis naturellement à reconstruire dans ma rêverie le chef-d'œuvre d'architecture dont je foulais les décombres. Le soleil, au premier quart de sa course, inondait la plaine d'une tiède lumière. C'était l'heure où, 2000 ans plus tôt, le peuple d'Athènes venait célébrer les mystères de Vénus. Je voyais par l'imagination les compatriotes d'Alcibiade et les contemporaines d'Aspasie affluer, en tunique blanche, par tous les sentiers de la voie mystique. J'entrai avec eux dans le temple orné de fleurs et retentissant de chants sacrés. Je suivais en tremblant d'émotion les voluptueux et redoutables mystères, et je n'attendais plus, comme les néophytes exaltés, que l'apparition de la déesse de la beauté sur son autel. J'en étais là de mes réflexions lorsqu'un léger bruit se fit entendre au-dessus de ma tête. Je levai machinalement les yeux, et ce que j'aperçus compléta ma vision. Une femme en robe blanche et en écharpe flottante s'avançait d'un pas lent et léger sur la cime du mur épais qui me servait d'abri. Passant au-dessus de moi, sans me remarquer, elle arriva jusqu'au bout de son ruineux belvédère, et là, sans trahir ma réponse par le moindre mouvement, je pus la contempler et l'admirer à loisir. Vous qui êtes jeunes, messieurs, et qui avez encore dans la tête et dans le cœur l'image parfaite de la beauté idéale, rappelez-vous ce que vous avez rêvé de plus pur et de plus divin, et vous pourrez vous faire une idée de la femme qui était devant moi. Tout ce que je puis vous en dire, sans déflorer le souvenir qui me reste, c'est qu'elle avait les cheveux blonds et les yeux bleus, comme Ève devait les porter au paradis terrestre. Du reste, blancheur d'ivoire, proportion de statue, pieds et mains d'enfant, étaient les détails les moins exquis de cet ensemble incomparable. Quant à l'expression de sa physionomie, je la retrouvais au ciel en regardant les anges. Lorsqu'elle eut promené 3 fois ses beaux yeux autour d'elle, comme pour chercher le point qui devait les fixer de préférence, elle s'assit au sommet de son observatoire et se mit à dessiner sur un carnet élégant. Son petit pied, chaussé d'un brodequin rouge, dépassait la paroi du mur. Un doux vent jouait dans ses cheveux dorés par un rayon de soleil, et le torrent impétueux qui roulait au-dessous d'elle faisait entendre un sourd mugissement. Après avoir contemplé ce tableau sublime et délicieux, digne d'inspirer Chateaubriand ou Lamartine, je songeais à me demander de ce que pouvait être mon inconnu, et une nouvelle découverte vint aider mes conjectures. À l'entrée des ruines du temple, au pied d'un fragment de colonne, j'aperçus une femme âgée avec 2 nègres et 4 chevaux attachés l'un près de l'autre. je reconnus l'escorte habituelle des jeunes Grecs de distinction, et je ne doutais pas que ma belle artiste n'appartînt à quelque grande famille d'Athènes. J'étais bien tenté d'interroger au moins sur son nom, ou sa vieille duègne, ou l'un de ses noirs, lorsqu'un accident aussi terrible qu'imprévu vint me mettre en rapport direct avec elle-même. Le pan de mur sur lequel elle était assise s'écroula tout à coup sous ses pieds. Elle poussa un cri perçant qui me fit tressaillir d'effroi. Il disparut du côté du torrent au milieu d'un nuage de poussière. La suivante et les nègres n'eurent que le temps d'accourir et moi de me précipiter derrière la muraille. Après avoir cherché la malheureuse sans la retrouver, un nouveau cri me la fit enfin découvrir. Elle était suspendue à la pente du précipice, accrochée par une main à des branches prêtes à rompre et touchant déjà l'eau du torrent du bout de ses brodequins rouges. « Sauvez-moi, sauvez-moi » s'écria-t-elle en m'apercevant. Et prompt à un appel dont je n'avais pas besoin, je fus près d'elle en quelques secondes. Je la saisis fortement par la main qu'elle avait libre, je cramponnai la mienne aux pierres et aux broussailles du sol, et je remontai ainsi la pente escarpée du ravin. Au moment de toucher le bord, le pied me manqua sur un point glissant, et j'aurais perdu celle que je voulais sauver, s'il ne m'eût soutenu à son tour. Par bonheur, un des noirs eut la présence d'esprit de me jeter sa longue ceinture, et je parvins, avec ce nouveau secours, à nous mettre en sûreté tous les deux. En se voyant arracher à la mort, la jeune inconnue tomba évanouie, mais sa suivante la fit promptement revenir à elle, et son premier regard fut ma récompense. « Ah, monsieur, me dit-elle avec émotion, comment reconnaître un tel bienfait ?»« En m'apprenant à qui j'ai eu le bonheur de le rendre, répondis-je, et pour l'encourager à me dire son nom, je m'apprêtais à décliner le mien. » Elle m'interrompit en rougissant et me dit « Demain, monsieur, demain. » « Prenez cette bague, » poursuivit-elle avec un doux embarras. Elle détacha de ses doigts un de ses plus riches anneaux. « Ce sera pour vous le gage de ma reconnaissance et le moyen assuré de savoir qui je suis. Je fais partie de la maison du roi de Grèce, » ajouta-t-elle, « et son palais est ma demeure. Vous pourrez vous présenter demain à la porte de ce palais avec la bague dont je vous ai fait présent. Vous la remettrez aux gardes, qui vous introduiront, et vous connaîtrez, à sa gratitude, celle dont vous avez sauvé les jours. » Ayant parlé ainsi, elle fit un signe de nègre. Ils lui amenèrent le plus petit des quatre chevaux, et elle s'élança lestement en selle. La suivante et les noirs en firent autant, et la petite caravane partit au galop. « À demain, monsieur, » me dit encore l'inconnu, en me saluant de la main. Et maniant son cheval comme une amazone, elle disparut dans la voie mystique. « Eh bien, » s'écria l'étranger, tout ému, « et le lendemain ?»« Le lendemain, » repris-je froidement, « j'étais à 100 lieues de la Grèce, et la belle Athénienne m'était inconnue, autant qu'elle l'est encore aujourd'hui. « Comment ?» s'écria le superbe jeune homme. « Vous eûtes le courage de partir sans la revoir ?» J'y fus contraint, le jour même, une heure après mon aventure. Le commandant de la frégate que je devais suivre avait reçu pendant ma courte absence l'ordre de mettre immédiatement à la voile. Quand je reparus à bord, on n'attendait que moi pour lever l'ancre, et placé entre mon devoir et ma curiosité, je n'hésitais pas à préférer mon devoir. « Et vous n'êtes pas retourné en Grèce pour retrouver cette femme ?» demanda l'étranger avec une surprise mêlée d'indignation. « J'avoue, répliquai-je en souriant, que j'ai eu quelquefois cette velléité, mais j'ai passé depuis bien longtemps l'âge des folies, et c'est déjà beaucoup pour moi d'avoir l'anneau de l'Athénienne. « Ah, vous l'avez encore ?» dit le beau jeune homme d'une voix singulière. « Le voici. » répartis-je en le montrant à mon doigt. Il le dévora d'un regard qui semblait vouloir l'arracher de sa place, et suivit avec une jalousie inquiète l'examen que chacun en faisait à son tour. Il fut convenu, sur la foi de mon récit, que la plus belle femme du monde était en Grèce, et la conversation tomba sur un autre sujet, tandis qu'une partie du groupe se dispersait dans le jardin. L'étranger profita de ce moment pour me prendre à part et m'adressa d'une voix troublée les paroles suivantes. « L'histoire que vous venez de raconter, monsieur, m'a intéressé plus que vous ne sauriez croire. Permettez-moi de vous demander l'heure et le lieu, je pourrais vous en reparler sérieusement. »« Ce soir même, monsieur, » répondis-je, et je lui indiquai le numéro de mon appartement dans l'hôtel. « À ce soir donc, » reprit-il en sortirant, après m'avoir laissé une carte ornée d'arabesques d'or, au milieu de laquelle je lus « Lord George Ellis ».« Lord George Ellis ?» me dis-je, intrigué plus que jamais. Et je questionnai tous les habitants de l'hôtel sur le personnage qui portait ce nom. L'un me dit que c'était un touriste, amateur forcené de tableaux. L'autre que c'était un rêveur dévoré du spleen. celui-ci déclara qu'il le croyait homme de génie. Celui-là prétendit qu'il avait le cerveau fêlé. Tous furent d'accord sur un seul point, la haute distinction et l'immense fortune de Lord Ellis. Cela me suffisait à la rigueur pour recevoir le personnage avec confiance, et je ne fus pas plus tôt rentré dans mon appartement qu'il se fit annoncer par mon valet de chambre. Lord Ellis entra lentement et s'assura qu'on refermait la porte. Sa figure était pâle et sa démarche un peu incertaine. Tout en lui indiquait un homme qui fait une action décisive et qui a besoin de s'entourer du plus profond mystère. Cette circonstance ajouta quelque sympathie à l'étonnement qu'il m'inspirait, et je lui fis signe que nous étions entièrement seuls, qu'il pouvait s'ouvrir à moi sans la moindre inquiétude. « Je vais, en effet, m'ouvrir à vous, monsieur, » dit-il avec hésitation, « au risque de vous amuser aux dépens de ma bonne foi. » La gravité mélancolique avec laquelle il prononça ces mots fut loin de me disposer aux sentiments qu'il redoutait. Et bien mieux que mon nouvel appel à sa confiance, mon sérieux et mon attention le décidèrent à parler. « Vous savez mon nom, monsieur, » dit-il en rougissant, « c'est un des plus grands noms de l'Angleterre, et je le crois cependant le moindre de mes avantages. Mon père m'a annoncé en mourant que j'avais 100 millions de fortune. Mon miroir me répète tous les jours que la nature n'a rien refusé à ma personne. Et mon ambition vous convaincra peut-être que l'originalité de mon esprit n'est pas sans grandeur. Cette façon de parler de moi-même vous surprend sans doute, monsieur. Vous vous rendez justice, Milord, répondis-je. Je vous prie de croire que je vous la rends de mon côté. C'est que je ne saurais trop me relever d'abord à vos yeux pour ne pas vous sembler bientôt ridicule. Jugez de l'importance des avantages dont je vous parle, en apprenant que j'ai la prétention d'épouser la plus belle femme du monde. Je dois dire que cet aveu étourdissant, ma surprise faillit se déclarer par un éclat de rire. Mais pour réprimer ce mouvement fâcheux, il me suffit de regarder Lord Ellis. Ce n'était plus le même homme que je venais de voir hésiter et rougir en m'adressant la parole. C'était, avec quelque chose de plus admirable et de plus étrange encore, l'étrange et admirable personnage dont l'aspect m'avait captivé au jardin. Sur son mâle et noble visage, dans sa prestance altière et gracieuse, dans l'expression de son regard et de sa physionomie, jusque dans la richesse extraordinaire des moindres détails de son costume, tout était à la hauteur de ses prétentions romanesques, et rien ne pouvait prêter à la plaisanterie ou à la défiance. Je ne pus m'empêcher de le comparer à ces héroïques paladins du Moyen-Âge, qui n'entreprenaient jamais que l'impossible et qui ne manquaient point d'en venir à bout. Tout ce qui m'avait d'ailleurs intrigué en lui m'était expliqué désormais, et j'y reconnaissais une de ces volontés inébranlables qui caractérisent les hommes de génie ou les fous. Je n'hésitais pas à le classer dans la première catégorie lorsqu'il reprit ainsi sa confidence. « Oui, monsieur, cette femme-là seule aura mon cœur et ma main, qui effacera toutes celles dont j'aurai l'image dans l'âme. C'est la conquête que je veux faire, moi, comme César et Napoléon voulaient faire celle du monde. De même que l'artiste et l'écrivain poursuivent la réalisation de leurs rêves dans la création de leurs pinceaux et de leurs plumes, de même, je poursuis la réalisation du mien dans la plus parfaite créature du Tout-Puissant. J'en ai tant vu à mes pieds, des plus hautes et des plus fières. J'en ai tant remarqué au-dessous de moi, des plus humbles et des plus obscurs. Que, hors des quelques trônes qui dominent l'Europe, je n'admets point de distance infranchissable. Depuis 10 ans, monsieur, je parcours le monde avec mon projet dans la tête. Parmi les voyageurs que j'ai rencontrés en Italie, en France, en Espagne, en Angleterre, en Orient, les uns cherchaient dans ces pays la douceur du climat, les autres la grandeur des monuments, ceux-ci la variété des spectacles, ceux-là la diversité des plaisirs. Moi, je n'ai vu l'Orient, l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Italie, que pour leur demander leur plus belle femme. Je les cherchais, d'un œil infatigable, au milieu des salons de Paris, sous les balcons ombragés de Séville, dans le palanquin des créoles d'Amérique. Je les cherchais sous les lambris des palais, dont les habitants sont moins riches que moi. Je les cherchais au foyer des chaumières, où j'eusse fait une reine de la plus pauvre fille. Je les cherchais jusque dans le harem des sultans, décidé à en disputer la perle au fils aîné du prophète. Quelque chose me disait hier encore que je ne l'ai pas découverte. « Quelque chose m'a dit ce soir, monsieur, que c'est vous qui l'avez rencontré. »« Moi, Milord ?»« Vous-même. Et voilà pourquoi j'ai voulu vous reparler de votre aventure. Comme vous, j'ai visité la Grèce. Je n'y ai point trouvé la femme qui vous est apparue dans le temple de Vénus. Je ne l'ai point trouvée, monsieur, car tout ce que je vois me reste gravé dans la tête, et j'aurais reconnu le portrait que vous avez si bien tracé, portrait qui ne peut avoir qu'un original ici-bas, ou plutôt, je n'aurais pas eu besoin de le reconnaître, car si le modèle est digne de la copie, le modèle serait à moi depuis longtemps. » Pendant que Lord Ellis parlait ainsi, je l'écoutais et le considérais avec attention. À la majesté de sa belle physionomie avait succédé l'agitation la plus singulière. Ses mains gesticulaient vivement et ses yeux semblaient s'enflammer. Une sorte d'égarement irrésistible entraînait toute sa personne. Je lui adressai plusieurs questions délicates auxquelles il répondit avec désordre, et je reconnus que la prétention de cet étrange personnage avait le caractère et l'intensité d'une idée fixe. Rien d'ailleurs qui dénotât le moindre trouble dans son cerveau, et le nom d'exalté lui est mieux convenu que celui de monomane. L'intérêt qu'il m'inspira n'en fut que plus sympathique, en se combinant avec une pitié mêlée d'envie, et je le considérais comme un de ces heureux rêveurs qui vont de surprise en surprise à travers un palais enchanté. J'oubliais dans cette contemplation l'objet de sa visite lorsqu'il me le rappela tout à coup en parlant de l'anneau de l'Athénienne. En même temps, je vis ses yeux le dévorer à mon doigt, comme ils avaient déjà fait dans le jardin. « Après ce que je vous ai confié, monsieur, poursuivit-il avec embarras, vous devinez sans doute facilement la demande qu'il me reste à vous faire. » Je feignis de ne pas comprendre et dérobai distraitement la bague à son regard. Il soupira et reprit d'une voix plus ferme. « Vous avez renoncé à connaître par vous-même cette femme mystérieuse, et peu vous importe de la désigner aux autres, puisque vous en parlez à tout le monde. « En effet, Milord, répondis-je, vous êtes libre de tenter l'aventure, si vous ne craignez pas de poursuivre une chimère. » Je croyais le décourager en parlant ainsi. Je vis bientôt que je n'avais fait que l'exciter. « Vous avez au doigt, reprit-il, le moyen de retrouver cette chimère. Confiez-moi l'anneau de l'inconnu, monsieur, et d'ici à peu de temps elle cessera de l'être pour moi. » Voilà donc où Lord Ellis en voulait venir à la fin. Il était homme à traverser la moitié du globe sur la foi d'un récit fait au hasard. Quand sa monomanie ne m'eût pas été prouvée encore, cette circonstance en eût complété l'évidence à mes yeux. Le ton sur lequel il renouvela sa prière était fait pour mettre le sceau à ma conviction, et ce fut en vain que je voulus lui épargner un refus en le détournant d'une entreprise que je traitais de folie. Mais le fou me répondit par de si bonnes raisons qu'il détruisit successivement toutes les miennes, et la meilleure fut qu'il allait partir avec ou sans l'anneau de la jeune grecque. Je sentis qu'il le ferait comme il le disait, et il me fut impossible de rejeter ses supplications. « Partez, Milord, dis-je en lui présentant la bague, et puissiez-vous ne pas traverser les mers inutilement. » Il s'élança sur le bijou comme sur une proie, et devint tout pâle en me voyant le retirer encore. Conciliant une juste curiosité avec son idée fixe, je déclarai que je lui cédais l'anneau à une condition indispensable. « Laquelle, monsieur ? » demanda-t-il un homme décidé à tous les sacrifices. « C'est que vous me tiendrez au courant de vos démarches et de vos découvertes, Milord, et que vous compléterez de près ou de loin la confidence que vous venez de commencer aujourd'hui. » Ne soupçonnant que la moitié du motif qui me faisait parler ainsi, il me serra la main avec un sourire de ravissement, et il se retira en échangeant contre ma bague le plus touchant adieu. Le lendemain matin, au point du jour, je rêvais encore à cette bizarre aventure, quand je vis par la fenêtre de ma chambre un grand navire appareillé dans le golfe. J'appris aussitôt que Lord Ellis avait frété ce navire à prix d'or et qu'il venait de s'embarquer immédiatement pour la Grèce. Plusieurs mois s'écoulèrent sans que j'entendisse parler du beau Milord. Tel était le surnom mérité que l'Anglais avait emporté d'Italie. Je commençais à désespérer de connaître jamais la belle grecque, et un reste de curiosité égoïste me faisait regretter mon anneau, lorsque je le reçus un matin, enfermé dans une grande lettre, dont le chiffre funèbre et le cachet noir m'inspirèrent les plus tristes pressentiments. Je fus rassuré toutefois sur l'existence de Lord Ellis en voyant sa signature au bas de la lettre, et avec une impatience que vous partagez sans doute, je lus les lignes suivantes que je porte encore sur moi. « Je vous ai promis la suite de ma confidence de Naples, » m'écrivait l'Anglais. « Je vais tenir ma promesse, monsieur. Voici ma confidence d'Athènes. C'est un roman auquel vous vous attendez à coup sûr, aussi peu que je m'y attendais moi-même. Vous avez été le héros du premier chapitre, involontairement et à votre manière. Je vais être volontairement et à ma façon le héros du dénouement. » Parti, comme vous le savez, le lendemain même de notre entrevue, j'arrivai heureusement en Grèce, après une traversée qui me parut éternelle. Aussitôt débarqué, je n'allai voir ni l'ancienne ville ni la nouvelle. Je courus tout droit au palais du roi Othon. je m'informai immédiatement des personnes de la cour, parmi lesquelles je devais retrouver votre apparition des ruines. Cette dame était alors en voyage avec la reine, et pour ne pas tenter une épreuve inutile, je dus me résigner à attendre. Je pris patience en allant visiter le temple de la voie mystique, et j'y trouvais chaque jour des émotions dont les vôtres ne sauraient vous donner l'idée. Enfin, la reine et ses femmes revinrent à Athènes, et je me présentai avec votre bague à la porte du palais. En traçant ces mots, monsieur, je me trouble et je frémis malgré moi. Il me semble que je suis encore pâle et tremblant devant ce seuil terrible et fatal. Le garde à qui je montrai l'anneau le prit et le considéra avec étonnement. Puis il me le remit aussitôt pour s'éloigner, et revint au bout d'un quart d'heure qui me parut un siècle. « Veuillez me suivre, monsieur, » dit-il gravement. « Toute la cour est réunie dans les appartements de la reine, et vous y trouverez la personne qui vous a remis cette bague. » Il me précéda silencieusement, et je le suivis de même, sûr de reconnaître aussi bien que vous le modèle du portrait que j'avais dans le cœur, mais convaincu que mon sort allait se décider, et assailli des plus divers pressentiments, j'étais tour à tour impatient d'arriver au but mystérieux, et chancelant comme la victime qu'on mène au sacrifice. En entrant dans les appartements, je ralentis le pas, et un éblouissement me força bientôt de m'arrêter tout à fait. Je retrouvai cependant mes esprits, et je parcourus la première pièce d'un regard rapide. Cette pièce était remplie d'hommes et de femmes subalternes. L'inconnu des ruines ne pouvait être là. J'avançai en regardant autour de moi, et je traversai inutilement plusieurs salons. Enfin, je me trouvai sur le seuil du dernier, et je tremblais d'avoir été trompé par mes yeux. Trois fois, je les rejetai en arrière sur diverses beautés plus ou moins en vue. Trois fois, je les ramenai vers le dernier salon, où j'entrai enfin d'un pas déterminé. Deux minutes après, monsieur, on m'emportait évanoui du palais. Au fond du salon royal, derrière un triple cercle de dames et de courtisans, sur le trône et à gauche du roi Othon, j'avais retrouvé votre apparition du temple de Vénus. J'avais reconnu la plus belle femme du monde dans la reine de Grèce. Quand vous recevrez cette lettre avec votre anneau, quelques gouttes d'opium auront terminé une vie qui n'a plus d'objet ici-bas. J'ai cherché l'amour comme Don Juan. Je n'ai trouvé que la science comme Faust, et comme lui, j'en meurs. Cependant, monsieur, je vous remercie. Lord George Ellis. Il y a peu de temps, j'ai lu dans un journal grec la confirmation de cette fatale nouvelle, avec tous les détails de la mort de Lord Ellis. Le même journal, traçant un portrait de la plus belle femme du monde, auquel je n'ai pu me méprendre, ajoutait qu'elle a autant d'amoureux que la reine d'Angleterre a de prétendants, et citait en toutes lettres un pauvre aspirant devenu fou que toute la marine de France connaît en effet, sous le nom d'amoureux de la reine de Grèce. Ainsi s'achève « La plus belle femme du monde » par Pitre Chevalier.